On y va, Julien. Ça va? Salut, et j'ai envie de commencer en musique. Allez, musique! Moi, je voudrais qu'ils prennent des joueurs, qu'ils comprennent que non, ils ont été minables vendredi, comme ils ont été minables les autres jours. Et ces joueurs, visiblement, ils comprennent pas le discours de Deschamps. Voilà. Alors, ça fait partie des gens qui ont du mal dans le foot français, comme Franck Ribéry à parler français. L'enfoiré. On dit comprennent, on dit prennent. C'est un peu moche. Non, mais je sais, parce que c'est terrible. C'est des gens qui viennent de villages, comme de chez Fred Armel. Alors, toi, je viens d'un village du sud. Ouais, voilà. Et donc, ils prennent et ils comprennent. Voilà. C'est un d'un village du non, mais sud, c'est comme ça. C'est vrai qu'ils devraient se mettre au niveau, mais bon, moi j'aime pas me moquer, donc je voudrais quand même les soutenir. Donc tu veux dire qu'on prenne? C'est non, vrai. On dit ce qu'on veut. Si je saurais, je comprenne. Enfin, on dit ce qu'on veut. Mais je vais grands efforts et des progrès. Attends, tu vois, je ne jette la pierre à personne. Mais je parle moi extrêmement mal français, puisque j'ai appris. Franck Ribéry devrait dire je vais apprendre à parler français. Moi, je vais faire des progrès. Je vais apprendre à parler français. Julien. Oui, excusez-moi. Donc, c'était pas cette musique. Je voulais. C'était un truc d'après. On s'est mélangé les pinceaux. Je voulais une musique un peu apaisante. J'en avais une. Est-ce que tu peux. Tu l'as toujours ou pas cette musique? Non, c'est pas grave. C'est trop tard. Ah, donc c'est le réalisateur qui t'a foiré ta chronique. Super. Merveilleux. Ah. Alors une heure pour préparer ça, mon ami. Mais non, mais c'est pas non, ça. C'est pas une heure, 53 minutes. C'est rien du tout. Non, mais laisse tomber, c'est pas grave. On le dit tout de suite, Paul, ou on attend Non, on attend rien du tout. Ça vaut vraiment pas le coup. C'était vraiment une intro, quoi. C'était une musique un petit peu sympa pour l'atmosphère, parce que de toute façon, on va tous mourir. Autant mettre de la musique comme sur le Titanic. Hein, demain. J'espère qu'on va jouer de la musique au Stade de France. Et oui, je voulais parler d'autre chose, qu'à un moment donné, j'avais la tête comme un citron. Et je voulais parler du mec qui avait 30 km de chute libre. Il a passé le mur. 30 km de chute libre. Bah, c'est quand même énorme. 30 km de chute libre, c'est presque autant que l'équipe de France depuis 2006, qui doit être à peu près à 40 km de chute libre. Hein, vous voyez, vu le nombre de cascades qu'on a faites. Et puis, vous avez parlé de Makelele qui faisait les passes de confort. Nous, on a les joueurs en équipe de France qui font des passes de con, mais pas fort. C'est passe de con mais pas fort du tout quoi, plutôt très mauvais. L'équipe de France, vous avez dit aussi que Alonso craint Valbuena. Moi je pense que c'est Jérôme Alonso, c'est sûr que c'est Xabi Alonso voire Isabelle Alonso a peur de Valbuena, sinon j'ai du mal à y croire, parce que Xabi Alonso ou alors il a peur de Valbuena comme quand tu vois un animal cloné, tu vois, c'est flippant, tu te demandes jusqu'où va la science, mais sinon il n'y a pas de raison d'avoir peur de ce pauvre Mathieu. Donc la tactique contre l'Espagne, qu'est-ce qu'on va faire? La tactique, alors 4-4-2, 4-3-3, 4-5-1, 5-3-2, 6-2-2, 7-2-1, 8-1-1, 9-1-0, 10-0-0, je sais pas, on peut pas aller plus loin. Je pense que 0-0-7 peut-être, parce qu'à part James Bond, je vois pas qui peut sauver l'équipe de France. Peut-être Jason Bourne ou G.I. Joe, les X-Men, les experts peut-être. Enfin les experts, attention, les experts Miami, hein, pas les experts Montpellier, parce que les experts de Montpellier, ils font pas les enquêtes, ils sont en garde à vue. C'est les experts, on n'a pas encore fait de série sur eux, mais bon. Même si moi je pense que la meilleure tactique, ça sera peut-être le 4-2-1. Enfin le 4-21, parce que peut-être qu'au 4-21, on peut les battre. Bah, il y a du hasard, donc c'est jouable. Est-ce que tu te souviens de cette célèbre chanson qui a fait ta gloire dans l'afterfoot? Écoute. Mélange de Gaby Hines et de Basi Boli. Retenez bien son nom, c'est Renato Silveri. Voilà, il est là, Julien Cazard, l'auteur de cette chanson mythique. Julien, c'est à toi. Voilà, mais je veux dire qu'encore aujourd'hui, je la chante sous ma douche en pensant à toi pendant que tu fais les têtes. Ça s'arrête là, hein, attention. Julien. Bah oui, c'est à toi, mon C'est à moi, j'enchaîne, ouais, d'accord. Bon, excusez-moi. Renato, bah, on lui dit au revoir, reste avec nous. Julien, tu restes avec nous, bon, d'accord. Donc, je suis vraiment content de l'avoir. Renato, qui fait partie d'un pays qui va toujours très bien en foot, hein. Malheureusement, c'est pas toujours le cas de l'autre équipe, le Paraguay, qui, rappelez-vous, qui a connu Chilavert, qui a connu les grands, les la Coupe du Monde, qui a été magnifique. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de dire, le Paraguay. Le Paraguay. Voilà. Et dire que même Michel Sardou l'avait dit. Il faut vachement bien connaître Sardou pour aller trouver. Michel Sardou l'avait dit. Le Paraguay n'est plus ce qu'il était. Essayez pas de savoir de quoi parle cette chanson. Hein. C'est quoi, probable. Pour aller retrouver cette phrase dans la chanson de Sardou. Le titre. Le titre de la chanson s'appelle Le Paraguay n'est plus ce qu'il était. Alors à l'époque je comprenais pas et maintenant je comprends. C'était juste c'était visionnaire. Il y avait un petit peu un temps d'avance. Alors Renato, hein, Renato, t'es un des joueurs préférés de Daniel, pour te dire si la Ligue 1 va bien. Hein, quand même, tout respect pour toi. C'est horrible. Non, je déconne, parce que c'est vrai que toi. Ah, s'il y en avait plus, des mecs. Mais comme non, mais. Lui. Oui, mais merde, il joue au gym. Hein, c'est pas une équipe qui s'appelle le foot, c'est une équipe qui s'appelle le gym. C'est pas pareil. Ça ressemble plus à de la gym qu'à du foot quand vous jouez, honnêtement. Renato, hein. Mon petit Renato. Entre nous. Il va pas m'avexer. Bon, grâce à toi, on a appris que ce qui gêne Messi, Tevez et Agüero, c'est surtout l'altitude. Et je me dis que peut-être qu'il faudrait qu'on fasse le Stade de France sur le Mont Blanc. Peut-être ça nous donnera une chance. Je sais pas. Peut-être ça peut nous faire qu'il y a bien le Stade des Alpes. On peut faire le stade, mais sur les Alpes, carrément, je ne sais pas. Bon, bref. Mais sinon, contre l'Espagne. Ouais, quand tout contre l'Espagne, à mon avis, ça va les emmerder, ça. Mais il n'y a rien d'y aller, ça les fera chier. Il faudra qu'ils redescendent en ski, ils savent pas le faire. Donc, bon, bref. Et oui, donc, aussi, je voudrais dire que, pour reprendre un peu comme disait mon ami, là, wesh, ta gueule fait, ça va bien la forme, là, qui était là juste avant. Je voudrais dire, oui, les équipes sud-américaines, là, ils sont forts. Parce qu'ils jouent des fois avec des 11 Argentins sur le terrain ou 11 Brésiliens. Mais attends qu'il y a la Ray Bosman. Et là, tu vas voir, ils vont moins faire les malins à la Coupe du Monde. Voilà, à tout à l'heure. Non mais c'est bien, je suis content. Dans les Bouches du Rhône, il y a plein de gens qui voudraient qu'ils repartent Nkoulou, mais ils sont pas naïfs, ça ferait bien qu'il va revenir. Comme beaucoup de. C'est le problème des Bouches du Rhône en général, malheureusement. Mais bon, c'est un sujet beaucoup plus grave, je préfère pas le en parler aujourd'hui. Zlatan qui a été arrogant avec les mecs des îles Féroé. Et ça nous étonne, c'est vrai, le mec, il se l'a pété devant Léo Messi, le mec, et on est étonné. Qui se la raconte devant les îles Féroé, mais Gilbert, même toi, tu te la pèterais devant les mecs des îles Féroé, même moi, mais même Daniel. Ils se moqueraient même de leur taille, tel que je le connais. Donc bon, non, ça va, les îles Féroé, heureusement que tu te fous de leur gueule, sinon tu te fous de la gueule de qui? Et après, donc du coup par rapport à Zlatan, on s'est aperçu que quand un mec est bien placé, on préfère donner la balle à Zlatan Ibrahimovic, hein, même s'il est moins bien placé. Et Daniel, tu as dit qu'en Ligue 1 bientôt ça sera pareil. Et c'est vrai que moi, je vous le dis franchement, je pense qu'au PSG Reims dans 8 jours, Gaëtan Courtier, même si Courtier, il s'appelle Courtier. Il s'appelle Gaëtan Courtier. Hein, voilà. Il n'est pas courtier en bourse. Voilà, Madame Ligue 2, elle connaît mieux les joueurs de foot qu'elle ne parle de la France. Oui, mais il évolue en Ligue 1 maintenant. Elle ne connaît mieux les joueurs de Ligue 2 qu'elle ne parle la France. Ça fait mal. Dans 8 jours, c'est pas mal. Temps courté. Très bien. Ben même si Fauvergue est mieux placé, il donnera la balle à Ibrahimovic parce que c'est ça la Ligue 1 maintenant. Tu donnes la balle à Zlatan et t'attends que ça se passe. L'équipe de France de Daniel, il voulait une équipe Saint-Maurais. Hein, l'équipe Saint-Maurais, je te rappelle quand même que c'est fait à base de fromage de chèvre. C'est pas si vraiment une équipe de chèvre. C'est quoi, c'est du brebis, c'est de la brebis. Ben non, Saint-Maurais, c'est fait avec tous les restes. Voilà, c'est comme le kiri. C'est une sorte de fromage industriel. Mais ça te fait rêver! Et c'est ça qui te fait rêver! C'est immangeable, en plus. C'est ça qui se défend, l'autre. Un truc industriel. Vive le chèvre, frère. À l'époque, c'était le marketing que je mettais en avant. C'était le primeur. Mais je n'avais pas compris, Daniel. Sinon, je ne serais pas à cette place. Je serais la tienne. J'étais pas là. Je serais quelqu'un qui avait raté ça. J'étais sûrement ailleurs en vacances. C'est primeur, tu vois. Mais primeur, c'est pas toujours bon. Regarde le Beaujolais. Ah. Tu vois. Même si la région est magnifique. Pour les Français, c'est mieux ailleurs, toujours c'est mieux ailleurs. C'est vrai que c'est toujours mieux ailleurs pour les Français. Ribéry, Benzema, Bernard Arnault, les tennismen français. Ils pensent tous, mais ils ont raison. Quand tu vas ailleurs, mais l'eau, mais bien sûr, l'eau elle est plus mouillée, le feu il est plus chaud et les moustiques ils piquent moins fort. C'est normal puisque c'est ailleurs. Il faut dire. Non, le problème de Benzema en fait, c'est je crois qu'il faut lui dire que pour les moustiques. C'est pas sûr. Il faut dire à Benzema en équipe de France, le problème c'est qu'on lui dit de jouer en pointe. Et moi j'ai l'impression qu'il croit qu'on lui dit de jouer en chaussons de danse de l'Opéra de Paris. Non, en pointe, ça veut dire il faut que tu te mettes devant, que tu restes comme un bourrin devant la surface et que tu plantes des buts. Mais bon, excusez-moi, je m'énerve un peu, j'ai l'impression d'être Karine et Daniel, alors que moi je suis le calme incarné. On a un problème à droite, on n'arrive pas à trouver de joueur pour l'équipe de France, on a un problème, alors la bonne formule, est-ce que c'est Ménez, est-ce que c'est Valbuena, est-ce que c'est Rémy, est-ce que c'est Fillon, est-ce que c'est Copé? On sait pas qui mettre à droite dans ce putain de pays, merde! Mais on veut des joueurs décomplexés, des mecs qui aillent à droite, mais bien à droite, qui arrêtent de repiquer dans l'axe tout le temps et d'être complètement mou! On veut des mecs qui collent la ligne bien à droite, comme Eric Raoult! Oui, il est souvent à la limite du hors-jeu, lui. Mais bon, peut-être c'est un mauvais exemple. Mais bon, voilà, des mecs qui s'assument, voilà, qui sachent faire la différence entre un côté et un autre. Et puis, pour se rassurer, on va essayer de chercher les points faibles de l'Espagne, hein, parce que j'ai essayé de les chercher. Comme on n'a pas de points forts, on va essayer de chercher les points faibles. Et quel est le joueur le plus faible qu'il y aura sur le terrain? Eh ben, moi, je l'ai trouvé. Le joueur espagnol qui sera le moins bon, c'est Ménez. Hein. C'est Jeremy Ménez. Mais le problème, c'est qu'il est dans notre équipe. Et ça, c'est un problème. Mais Ménez, d'ailleurs, qui a dit que, il a quand même fait une déclaration géniale, vous en avez pas parlé tout à l'heure, mais il a dit, ce qu'il faut, c'est passer le premier rideau. Ah non, non Jérémy, il faut pas passer le premier rideau, faut passer le rideau, les stores, les doubles vitrages, les contrevents, les barreaux, la fosse avec les crocodiles, et là peut-être que t'auras une chance, sauf qu'en même temps on n'arrivera même pas à toucher la poignée de la fenêtre, donc ça ne nous concerne pas. Et les joueurs de l'équipe de France qui vont jouer à Vicente Calderón, ben c'est un peu, il me faut un peu penser aux Saoudiens du 11 septembre. C'est courageux, mais on connaît la fin. Voilà, sinon il y a une solution, il y a une solution pour éviter la branlée. Ben je sais pas ce qu'ils font les Sénégalais quand ils font au stade contre la Côte d'Ivoire, mais s'ils pouvaient faire un extra à Vicente Calderón, peut-être que ça nous sauverait. Sinon, je vois pas d'autre solution.